Le pantalon de Madame Desnoux. Chapitre 1. La lessive. Dans le verger, sur les cordes tendues de pommiers en pommiers, sur les haies d'épines, le linge qui séchait en fumant sous le soleil avec ses taches multicolores couvrait d'un vaste habit d'arlequin la masse de verdure. Des bouffées de vent chaud apportaient des clameurs de voix aigres et les claquements de coups de battoir. Au bas de la cour, où passe la vivane, les lessivières, agenouillées dans leurs coffrets, travaillaient dur tout en bavardant ferme. « Dis donc, la boulotte, la maîtresse est bien chienne. As-tu vu comme elle regardait de coin quand j'ai mis l'eau-de-vie dans mon café ?»« Oui, répondit la grosse fille interpellée, j'ai vu ça. Mais bon chat, bon rat. Parbleu, allez donc prendre les intérêts des gens. Moi, j'use moitié plus de savon chez des maîtres comme ça. » « Chut, la patronne !» Et tous les regards se tournaient vers le haut de la cour où Madame Desnoux venait d'entrer. Les coups de battoir repartirent de plus belle. La vivane coulait, lente, entre deux haies de saules et de coudriers. Les hoches-queues, poussant de petits cris, voletaient au-dessus de l'eau claire, où les bulles de savon mettaient des colorations d'arc-en-ciel en miniature. Ce n'est pas petite chose que la lessive en Normandie. On la fait 3 ou 4 fois par an, tout au plus. C'est dire les monceaux de nippes à laver et quel travail incombe à la maîtresse de maison, qui doit surveiller tout, compter soigneusement son linge et le plier, pour le mettre en ordre dans les grandes armoires de chêne embaumant les herbes aromatiques. Madame Desnoux, femme du notaire de Valsemé, faisait sa lessive ce jour-là, et elle était bien fatiguée. Néanmoins très contente. Un temps superbe et les ouvrières, n'ayant pas bu plus que de raison, travaillaient sans rechigner. Une seule chose la tourmentait, elle ne pouvait pas mettre la main sur un de ses pantalons tout brodés, une merveille de lingerie, et elle allait de place en place affairée, demandant si on l'avait vu quelque part. Une des lessivières vint montrer l'endroit où elle l'avait étendu le matin. « Je suis moralement sûr de l'avoir mis là. » Il n'y était plus. Sans nul doute, on l'avait volé. Et tout le monde se remuait, cherchait, ému par cet événement. « Oh, que cela me fait de peine !» dit Madame Desnoux. « J'aimerais mieux, voyez-vous, avoir perdu 2 douzaines de draps neufs que ce pantalon. » Et elle disait vrai. Elle avait les larmes aux yeux. C'est que ce pantalon était plein de souvenirs. Madame Desnoux avait eu, au commencement de son mariage, 2 jumeaux charmants qui moururent ensemble, du croup, à l'âge de 3 ans. Pendant les longs jours passés à veiller et à bercer les enfants, tout en leur chantant ces refrains bêtes et doux, dont le souvenir est si bon, elle leur avait brodé à chacun une pelisse qui, hélas, n'avait pas servi longtemps. Ces pelisses, elle les avait conservées pendant plusieurs années. Mais comme les vers s'y mettaient, elle en avait fait un pantalon qu'elle portait aux grandes fêtes et à celle du saint patron de son mari. Pendant que Madame Desnoux cherchait son pantalon, la journée avait pris fin. Les coups de battoir cessèrent. Les lessivières prirent leur dîner sur l'herbe. On parla longuement de la disparition du pantalon. Qui donc l'avait volé? Personne, assurément. Il était bien entendu qu'aucune lessivière ne pouvait être soupçonnée. Jeanne, celle qu'on appelait la boulotte, finit par dire que la maîtresse avait rêvé et que le pantalon n'était pas dans la lessive. L'ouvrière qui tantôt était moralement sûre de l'avoir lavé n'osait plus rien affirmer. Après avoir pris le café, le pousse-café, la rincette et le dernier verre du coup de pied, les lessivières très animées sortirent de la cour. Madame Desnoux, restée seule, allait encore visiter des recoins oubliés. Quand elle eut tout remué, elle eut la conviction d'avoir été volée par une des femmes. Assise sur le seuil de la porte, elle songeait au passé. Le linge blanc sur les cordeaux prenait des teintes roses reflétées par les rayons du soleil, s'enfonçant dans une éclaboussure cuivrée. Dans l'air calme montaient des cahotements de chariots, des appels de paysans. Les bœufs poussaient leur long mugissement mélancolique.